religion, celle de la race humaine. Face au système, il n'y a que l'amour qui règne. Free man foreign élimine les problèmes. Et même quand son cœur saigne, ne s'en prend qu'à lui-même. En garde sur soi-même pour mieux tenir les rênes. Se mettre en question, c'est savoir. Until your friend is, I would say.